Pas que ça à foutre, c'est Pyongyang Sea Rockers, numéro 421. Ah ah, oui, on l'a même pas joué au dé, dis donc. Qui reprend ce soir avec pour l'instant deux grands leaders, peut-être un troisième qui va se joindre à cette joyeuse compagnie ce soir. Salut Henri. Salut Stéphane, comment tu vas? Bah, moi, ça va. Bon. J'ai failli oublier ma clé USB, oh non, ah, donc j'ai dû courir. Et puis, bah voilà. Bon, moi, comme d'hab, quasiment que des annonces de concerts. Et quand même, un truc à propos de l'Ukraine et de quelqu'un qui y a disparu. Et puis toi, ça va être quoi, ce soir? Bon, pas trop de vieillerie non plus, des trucs de. Allez, max, qui ont max 10 ans, on va dire. Pas mal branché sur la scène de Halifax en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ah, donc pour une fois, c'est pas des États-Unis? Non, ils sont un peu au-dessus. Nos protecteurs, enfin nos anciens protecteurs. C'est ça. Bon, Canadiens, par contre, bah, c'est con pour eux, hein, ils sont trop près. Hein. C'est comme les Mexicains, hein. Si loin de Dieu et si proche des États-Unis. C'est ce que disait je sais plus quel président mexicain il y a longtemps. Okay. Pour ma part, je commence avec, par contre, une vraie vieille vieillerie. Vu que Buzzcocks vont jouer au Wild Westen à Courtrai ce samedi, en plus, c'est pas donné. Hein. Vous cherchez, hein, vous trouvez l'annonce de concert sur Spunk.org, comme d'habitude. En plus de ça, en première partie, il y aura quand même les excellents Chief Chaffs qu'on avait fait jouer une belle fois à Radio Campus. Les murs s'en souviennent. Bon, on a changé de mur entre autres. Par contre, Chief Chaffs, eux, n'ont pas changé. Et donc, vous pourrez les retrouver ce samedi au Wild Westen à Courtrai. Pour l'instant, voici donc Buzzcocks au temps où ils étaient encore tous vivants. et où déjà, ils avaient compris que les bagnoles, c'était vraiment pas l'avenir, surtout si elles sont rapides. Fast Cars, Buzzcocks. Je sais pas ce que ça va donner en live samedi, mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai vu 2-3 performances récentes de Buzzcocks en live. Steve Deagle, quand même, il fatigue. Hein. Après, ouais, c'est bien pour le témoignage. Puis, bah, il continue de jouer, quoi. C'est même ça, s'il a passé la barre des 50 ans d'activité. Année. Je pense qu'on y est presque là. 76 Buzzcocks. Bon, après, c'est une question de mois. Bon, on va leur laisser. Hein. C'est ça. Bon, ça sera toujours pas autant que Cox par heure. Eux, 72, quand même. Ok. Ah, putain, je pensais pas que c'était aussi vieux. Ouais, ouais. Mais eux aussi, ils sont semi-liquides maintenant. Mais ça vaudra au moins le coup pour Chief Chaffs. Donc faut y aller. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce truc-là, c'était un enregistrement de une Peel Session, donc John Peel, je barbu là, et ça date de avant la sortie de leur premier EP. Ça date du 7 septembre 77. Donc là aussi, ben ça, 38 ans et demi. Comme on dit quand on est petit. Ben, moi, je suis toujours petit. Magnifique. Et bah moi de mon côté, écoute, on va au pays le plus septentrional du continent américain, enfin des Amériques. Oui, j'ai appris le mot cette semaine, le Canada, avec le projet Life Chain. Alors je passe le mot tout de suite. Si vous savez qui chante dans Life Chain, prévenez-nous, j'arrive toujours pas à trouver qui c'est. En attendant, je peux vous dire que Life Chain, c'est l'un des nombreux projets, de la scène d'Halifax en Nouvelle-Écosse, aux côtés de groupes comme Fragment, Alienation, Concrete Asylum, Contagium, Shit Pisser, ça c'est pas mal, ou même Dustbin. Allez écouter ça au casque, c'est pas assez bien produit pour en passer en radio, mais les fans de Dustnoise seront bien contentes et contents. Dustbin, on entend que c'est des Canadiens, hein. Enfin des British, parce que ouais, sinon ils diraient Trash Can. Hein. Carrément. Enfin bref, tout ce qui va du punk hardcore bien face jusqu'au crust le plus lent. Life Chain de leur côté, ça tient une fois de plus en une lettre et trois mots. 10 bits, raw punk, vous connaissez la chanson. C'est clairement du disclose avec un chant féminin plein de réverb. Ça existait de 2012 à 2015. Et nous, on va se passer un morceau de la deuxième sortie, Uniformed Cowards, à cab, sorti en 2013. Le tube, s'il vous plaît, Media Frenzy. Je pense que ouais. bien fumé en effet. Là, super. Là, c'est vraiment de la production à l'américaine, enfin à la canadienne, enfin à la nouvelle écossaise. moi, je suis d'accord avec. Hein. Tu viens de passer un truc qui dure une 52, mais il y a qu'un seul titre. Moi, j'ai une 58 avec deux titres. Ça passe ce soir à la brasserie de la Mule à Bruxelles. D'ailleurs, je pense que c'est déjà commencé. C'est une release partie de Peace Rules avec aussi Tranon, vu qu'ils sortent une cassette. Une split cassette. Egg Punk pour les gens qui aiment ça. Mi j'aime ça. Donc je me passe maintenant deux titres de Peace Rules. Un qui m'est dédié, c'est Nael Delinquent. Ensuite, un qui est dédié aux gens qui jouent. Je ne joue pas. C'est fini. J'ai passé l'âge. Game Boy for Christmas. Peace Rules. We'll be right back. Là, pendant que je suis en train de regarder ce qui se passe dans le couloir, et bah, paf, le prochain il démarre. Et bah, viens. Alors moi, du coup, on reste où on était à Halifax, au Canada, avec Aliénation, un groupe de punk hardcore pour les fans de Glou, tout simplement. La dernière sortie, Bitter Reality, date de 2018. C'est sorti chez Warthog Speak Records. Ça a déjà sorti du gag ou bootlicker, pour le plus grand plaisir des fans du genre. Bref, c'est du punk hardcore ricain bien codifié. Ça va droit au but, que des morceaux d'une minute. Ça finit sur une cover de Hated Youth. Il y a aussi une cover de Poison Ivy dans la discographie. Bref, si t'aimes bien Gutter, tu devrais aimer Aliénation. Je vous passe donc deux morceaux du groupe, histoire de faire 2 minutes. Il y a plein de réverb sur la voix. Oui. Okay. Feral Mind, suivi de Squirrel Bait. C'est Gutter rapide. C'est ça. Enfin, je dis pas que Gutter est lent, hein, mais c'est plus. Moins vite. Bon, il est 20h15 presque à la tonnette de campus. Non, bientôt, dans 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 20h15. Voilà, c'est la vraie heure de Radio Campus. On vous la donne, c'est gratuit. Servez-vous-en vous. Je ralentis un petit peu les choses en vous passant un petit titre de Sobriété Subie. Je groupe où il y a le Alex qui était venu. Il était venu avec son groupe, mais je sais même plus. Non, je me souviens, ah, ça y est, j'ai un trou. J'aurais dû réviser avant de venir et surtout avant de parler dans le micro. Je dirais le nom après. Pour l'instant, en tout cas, il joue dans Sobriété Subie qui se targue de faire de l'indie punk. Voici un titre qui s'appelle Mauvais Partout. Mauvais Partout, de quoi parle-t-il? Et bah, je vais y arriver. Ouais, c'est les confessions d'un raté, quoi. Un type comme toi ou moi, enfin, tu vois. Pas assez d'ambition, jamais de performance. Je cherche mon chemin sous la moyenne. Un guignol perdu dans l'arène. Au fond, je n'ai sans doute pas tout compris. Je ne sais même plus ce que je fuis. Donc, ils vont jouer demain au Monkey, rue Nicolas Leblanc, à Lille, en compagnie de Mindgriff, groupe d'Arras, yes. Qui fait du. Indus chose. Ouais, franchement. Voilà. Indus chose. Et puis vendredi, ils seront au Copain d'abord à R sur la Lys avec Stop Giving Power. Ça, c'est du vrai punk de Chopon. c'est vrai, c'est des Chopon, quoi. Non. Philippe Manœuvre dans cette intonation. Et donc, voici Sobriété Subie. Ça s'appelle donc Mauvais Partout. Sobriété subie à l'instant dans Pyongyang City Rockers sur Radio Campus. J'ai retrouvé l'autre, un des autres groupes dans lesquels, parce qu'il lui aussi c'est un serial joueur. Autre groupe dans lequel joue notre Alex, c'est Mal aux yeux, qu'on avait reçu le 3 novembre 2023 dans Pyongyang City Rockers en live un vendredi. Tiens, d'ailleurs, il y a un deuxième, il y a un live, enfin, le retour des lives à campus. Ce vendredi-ci, ici en bas à la MDE, on va voir comment que ça tourne. Et il y aura Groink qui font du pork and roll ou du hardcore nivore. Bon, voilà. Et ils seront donc ce vendredi après-demain à campus, enfin, au rez-de-chaussée de la MDE, de 21h à minuit, théoriquement. Youpi. Organisé par Trois Cordes et un Cerveau, l'émission qui a lieu à 21h sur campus le jeudi. Okay. Jeudi. Voilà. Bonjour. Bon, alors Alex, il a plein de projets. C'est aussi le cas de Steven Earle, qui était dans Aliénation, qu'on s'est écouté tout à l'heure, et notamment Fragment et Shit Pisser, que j'ai déjà cité, mais aussi Outcry, bon, vous savez que j'ai arrêté les accents, avec Rosie Davis au chant. Peut-être que c'est elle dans Life Chain, je sais pas, bon, vous me donnerez votre avis. En tout cas, elle a aussi joué dans Zygom et Conundrum ou Vixens. Vixens, si ça vous intéresse, les projets plus garage, 100% féminin, allez donner une oreille. Je ne sais pas juger cette avec musique. Un nom comme ça en plus, ouais. Vixens avec un S, bref. Outcry, à ne pas confondre avec Cry Out, évidemment. Projet posthume de la chanteuse, puisqu'elle est décédée en 2020. C'est du punk comme on en faisait il y a 50 ans déjà. Alors évidemment, quand on pense anarcho-punk, on pense crasse. Et honnêtement, Outcry, avec un jeu de batterie pareil, me rappelle essentiellement en bas crasse. Alors l'EP sorti en 2017 et revendique des influences UK 82. Bon, j'y ai pas trouvé du Chaos UK ou du Discharge, mais plutôt les lignes de basse bien fourni à la The Mob et consorts. Donc je vous laisse vous faire un avis avec un morceau en deux parties qui s'appelle Memory Loss. Celui-là aussi il est pour moi. petit Larsen à la fin. Non, mais ouais, hein, franchement, bon. On passe souvent dans cette émission des titres qui ont rapport avec la guerre, parce que tout le monde a un peu... c'est un truc qui revient des années 80, ça, quand on avait peur de se recevoir des missiles sur la gueule, ou que, je sais pas, la guerre arrive, et puis que... Il y a des gens qui la vivent, et puis qui finissent par en mourir. Exemple, Pavlo Martsovenko, qui était un punk de Dnipro, anciennement Dnipropetrovsk en Ukraine, qui faisait partie de la scène antifasciste punk de cette ville, qui jouait dans plusieurs groupes, dont un groupe crust qui s'appelle Zliden et un autre groupe plus doom metal qui s'appelle Neformat. Le gars, voilà, il jouait de la basse dans ces groupes, et puis il était donc aussi actif en tant qu'antifa, et il y a de quoi faire à la fois en Ukraine et en Russie, qui n'est pas très loin. Il est décédé le 24 janvier dernier en défendant un village dans son, proche de là où il habitait, un village qui s'appelle Bilyakivka. Je sais pas trop comment il est décédé. Toujours est-il que voilà quoi, c'est quand il y a la guerre, des fois on se sent quand même un peu obligé d'y aller. Je ne dis à personne que c'est ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui préfèrent dire pas que non, ils sont contre l'usage des armes. Pourquoi pas Et franchement, c'est à chacun et chacune de décider ce qui est le mieux pour soi et puis pour les autres aussi. Voici donc un titre de Zliden, le groupe dans lequel il jouait de la basse. Je ne reviendrai plus jamais. Je ne reviendrai jamais, pour rien au monde, jamais, jamais et pour toujours. J'apprécie beaucoup le temps qui m'est imparti. C'est pourquoi je prends encore et toujours des mauvaises décisions. J'aime danser sur des râteaux. C'est pourquoi, comme d'habitude, je me dis et je dis à tout le monde, je ne reviendrai plus jamais. Je ne reviendrai pour rien au monde. Plus jamais je ne reviendrai. Je ne reviendrai jamais. En ukrainien, ça se dit Bilchen et Povemus. Voici donc Zliden. Et puis RIP Pavlo Martsovenko. Vous écoutez Campus 106,6 et Pyongyang City Rockers pour encore une petite demi-heure. Il est 20h et presque 31 minutes à l'antenne. C'est à vous, mon cher. Yes, et ben on part d'Halifax déjà. On retourne parler de John Dead Noise. Encore ? Bah ouais, enfin, il en reste un avec le groupe End Result et leur EP 7 pouces Hellfire. Alors c'est sorti en 2021 chez Phobia Records pour l'Europe et Hardcore Survives pour le presse japonais, parce qu'il en faut un. Le groupe, lui, est états-unien. Hellfire, c'est simple, c'est du D-beat, rock punk, crusher crust. Voilà, mettez toutes les sauces. Ça joue super vite, du break en veux-tu, en voilà. On entend bien la voix, c'est pas sous-mixé. Ça me plaît. Ça réinvente sûrement rien, mais ça tue. Voilà, rien de plus à dire. Vous commencez à connaître les influences de ce style. Ça plaira à tous mes crusher crusters. Mention spéciale pour le batteur. Il y a un pur jeu de tomes sur la première piste, tout simplement nommé Hellfire, comme le disque. Bon bah voilà, c'est toujours sur Pyongyang City Rockers. On se l'écoute. Des annonces. Ah oui, pardon, oui. Donc on s'est écouté Hellfire de End Result et ensuite le morceau Agonie, c'est ça ? Puis, ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais. L'agonie, c'est ce qui se passe à la guerre et je souligne que là, on se fait engueuler, enfin je me fais engueuler par Manu. Bonsoir Manu, et je te promets qu'une belle fois, je vais passer Manu and the Bourettes parce que ça parle de guerre. Là par contre, la guerre, ça sera demain à la MDE, la maison des étudiants sur la Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq, vu qu'il y aura The Obsessions et puis aussi Judge Dredd Memorial, qui seront donc ici, juste en bas, là, en bas des studios de Radio Campus. C'est organisé par la MDE, avec notre cher Eric, n'est-ce pas ? Et puis, bah, voici donc, sans aucune transition, vu qu'il c'est pas possible de faire une transition entre End Result et Obsessions, les voici en tout cas, Obsessions, avec Forget What Your Mother Said. Oh, Ça change, hein. Donc j'ai refait un petit changement de rythme. Là, c'est juste à l'instant, c'était Contravoil de la bonne vieille EBM qui tue. Il manque plus que les fumis et puis on se croirait au Tiki en 1983. T'as connu le Tiki ? Non, bah non, surtout en 83. Non, encore moins, ouais. Et puis donc, ouais, c'était par là, sur la route des boîtes quand tu sortais de tournée, que t'as eu les verres, je sais plus où. Bref, Contravoil, ils seront. Le titre, c'était Mortal. Et ils seront à la Bulle Café à Moulins, à la Maison Folie Moulins, ce vendredi, avec un autre groupe EBM américain, Nux, avec 2X. Et puis, comme Siglo Vente. Et puis, il y aura aussi The Log Equation. Bon, un peu plus gentil, on va dire. Mais il y a une chanteuse. Et ça sera donc vendredi à la Bulle à Café. Et je crois que c'est organisé par Cerber Corriffé, je crois, il me semble. Je désannoncerai si j'ai tort. Mais bon, c'est à toi. C'est à moi. Bah, moi, je vais vous passer les deux dernières sorties de Brain Rotter Records, un label de Leeds en Angleterre, tenu par Bobby, si je ne dis pas de bêtises, de The Annihilated, un excellent groupe de punk hardcore. Allez, écoutez ça. Bref, la première sortie nous vient tout droit de Norvège. Il s'agit de Covert Strike de AG3. Alors, j'ai vu ça en live au E-Zero Hardcore Fest. Pure attitude. C'est des purs hardcore kids. Ça va super vite, ça crie fort. Bref, choper la cassette. Et deuxième sortie de Brainrotter, elle aussi parue le 6 février, le groupe The Nervous. Avec un 4 titres, donc le moi de 12 ans, fan de Raw Power de The Stooges, est très très satisfait. Ouais. Parce que oui, on peut clairement comparer ça à The Stooges, qui est d'ailleurs fait par le label. Ils disent que c'est du The Stooges avec la vitesse de The Black Flag. Bref. The Black Flag. Avec Black Flag, pardon. je lis deux fois ma phrase. Lofi Music for Lofi... Je recommence. Lofi Music for Low Functioning People. C'est parti du coup pour Nine Tails de AG3, suivi de I'm Just a Boy de The Nervous. Bien cette affaire, ouais, c'est vraiment, ouais. Ah, quand ancienne. Iggy Pop quand il était encore vivant. Enfin bon, vous écoutez Campus, il est 20h40, presque 48 minutes, encore 12 minutes à l'écoute de Pyongyang Steelworkers numéro 421. Et puisque juste avant ça faisait Badaboom, et bien maintenant je passe un titre de Badaboom qui passe ce vendredi au Watermoulin à Tournai en compagnie d'un autre groupe avec un super nom, Baladur. ouais. Bon, Baladur, franchement, enfin, la musique. Voilà, par contre, Badaboum, il y a un petit côté, ouais, c'est vraiment no wave. Okay. En plus de ça, chant féminin. En plus, dedans, il y a la meuf de Krynator. En plus, avec deux, elles sont trois nanas à faire ce truc-là. Et puis, bah, Mijember, donc je le passe. C'est Alio, ça va passer donc ce vendredi au Watermoulin, boulevard Eisenhower numéro 207 à Tournai. Badaboum avec Alio. Quelque chose. Ah oui, bah écoute, moi je peux finir avec Valkos. C'est lituanien, on pourrait dire que c'est du raw black and crust, donc ça change un petit peu. Bon, alors c'est exactement ce que j'avais envie d'écouter, et j'étais même pas au courant. que dire de plus, c'est dans le rooster des. Non, mais franchement, c'est dans le rooster des projets d'antifasciste Black Metal Network. Bon, je trouve qu'en général, ça sort des trucs un peu au pif, mais. Je ne peux que souligner le fait que c'est bien d'avoir des projets black metal qui se revendiquent antifascistes. Oh bah ouais, enfin bref, c'est rempli de pure mélodie, ça tente des trucs inédits à mes oreilles. On peut même rajouter un petit côté anarcho-punk dans tout ça. Bref, c'est joli, je leur trouve un petit côté Life Lover. C'est joli. En attendant, petite piste émotive, joue audace, ACMO. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah alors, t'as pas regardé sur Google Translate? Je l'avais noté. Ou sur DeepL? Bah ouais, pourtant. Oh, bon, on va le dire après. Carrément. Yeah. Et il faut reprendre la parole car il reste 5 secondes sur ce morceau, mais il ne dit plus rien. Oui. Eh bien, il est 20h57, non, taisez-vous. Il est 20h57 à l'antenne de Campus 106,6 dans 3 minutes, même pas. Bah, il y aura Mighty Mighty Boston's. Et après, Bratia Chimpanzé. Non, je sais pas. Civil War et après, Adaptatia. Vous ne retrouverez pas JD, il fait grève. Je sais pas ce qui se passe. Et puis à 22h, ça sera B-Boy Bouillabaisse, Nico, qui vous passera encore une fois du hip-hop qui va jusqu'à l'abstract vers la fin de l'émission. Elle est bien, cette émission. Elle est découpée en 4 cartons avec 4 styles différents. Mais toujours du hip-hop. Hip-hop. Et trip-hop. Enfin, voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la 422e de Pyongyang City Rockers. N'hésitez pas à écouter encore plein d'émissions sur Radio Campus, et puis aussi sur RCV, et puis aussi sur Mourang, et puis aussi sur toutes les autres radios libres. Hein, mais surtout pas les autres radios, que les radios libres de la métropole lilloise. Nous nous quittons avec Chien Flic qui vont jouer ce dimanche en compagnie de Terror Detonator et Youth Crusher, deux groupes de Athènes en Grèce, et puis un groupe lillois en plus, ça sera Teigne, ça sera au CCL à partir de 20h30 ce dimanche. Voici donc Chien Flic avec Cut Your Balls, c'est un conseil là aussi gratuit. Et puis salut, à la semaine prochaine, et on n'oublie pas à cab.